dans cette édition surcaféinée de La Connexion. Seriez-vous capable de passer 24 heures sans ordinateur? Un PC capable de fonctionner sous Mac OS X? Une nouvelle pièce de Def Leppard en primeur dans Guitar Hero 3? Les bandes-annonces font vendre plus de jeux que les démos? Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu! Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine, pendant deux heures, on parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Dans quelques minutes, on va commencer par le bloc F5 informatique. On va parler entre autres du suffixe .qc sur Internet pour le Québec et aussi du suffixe .ca. 1 million de sites .ca dans le monde en ce moment, dont le cifou.ca, où vous pouvez écouter La Connexion en direct. N'est-ce pas merveilleux? Tout ça dans quelques minutes, mais avant, voici une pièce d'Éléphantine sur le palmarès francophone de C'est fou, c'est en attente d'un moment présent, en attendant de commencer la chronique. Hein? C'est concept un peu. Depuis La Connexion, au 89 FM. Éléphantine avec la pièce En attente de moment présent. C'est sur le palmarès francophone de C'est fou cette semaine. Vous êtes à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est le bloc F5 informatique. Donc, on parle des nouvelles qui ont marqué les ordinateurs, le monde des ordinateurs, les nouvelles de ça. On commence par Gmail. Le service de courriel en ligne de Google est toujours derrière ceux de Yahoo et Microsoft, mais progresse rapidement. Depuis que Google a levé la restriction d'utilisation de Gmail sur invitation seulement en 2007, ce service de courriel a vu son utilisation augmenter de 47%, faisant de lui le service de courriel en ligne connaissant la plus forte croissance, intensifiant du même coup la concurrence dans ce domaine. Selon Nielsen Online, les annonceurs ciblent principalement les services de courriel pour rejoindre les consommateurs sur Internet. En mars, aux États-Unis, ils ont dépensé 302 millions de dollars américains, une hausse de 30,9% par rapport au mois de mars 2007. Ainsi, les différents services de courriel en ligne rivalisent d'ingéniosité pour fidéliser leurs utilisateurs. Google, Microsoft et Yahoo augmentent notamment l'espace de stockage, offrant un environnement similaire au logiciel de courriel courant ou intègrent des services de messagerie SMS. Selon les plus récentes statistiques de Comscore Media Metrics, Microsoft avec son Windows Live Mail et Yahoo avec Yahoo Mail dominent aux États-Unis avec des chiffres respectifs de 256,2 millions et 254,6 millions d'utilisateurs. Google avec Gmail arrive troisième avec 91,6 millions d'utilisateurs. Quant à AOL avec son Webmail, une des premières entreprises à populariser l'utilisation du courriel en ligne, elle arrive quatrième avec 48,9 millions d'utilisateurs. L'article vient de USA Today via branchezvous.com. Il y a du nouveau dans le monde de l'informatique. La compagnie américaine SciStar propose un ordinateur capable de fonctionner sous n'importe quel système d'exploitation, y compris Mac OS X de la compagnie Apple. Il s'agit de l'Open Computer qui est offert en deux versions, dont celle de base à 400$ seulement. En d'autres termes, les clones d'Apple sont maintenant disponibles. Depuis toujours, la communauté Mac a été en mesure d'évoluer en milieu fermé, mais depuis deux ans, les ordinateurs d'Apple sont équipés de processeurs Intel, ce qui facilite la vie des gens qui se spécialisent dans tout ce qui entoure l'industrie du clonage et de la copie. Évidemment, les avocats de la compagnie Apple, sont probablement déjà sur l'affaire. On peut présumer que Steve Jobs a déjà déclaré la guerre à ses nouveaux clones. Dans sa publicité, la compagnie SciStar insiste sur le fait que son ordinateur permet à l'utilisateur d'opérer un Mac à une fraction du prix, puisque l'ordinateur Mac de base coûte au moins trois fois plus cher avec des composantes beaucoup moins performantes. Mais, vous l'aurez deviné, il existe un mais. Une fois l'ordinateur acheté, il faut se procurer le système d'exploitation Mac OS X au coût d'environ 150$. Et c'est là que débutent les problèmes, parce que théoriquement, il est interdit de faire fonctionner ce logiciel sur un appareil autre que ceux de la compagnie Apple. Et même si SciStar offre de vendre l'ordinateur avec le Mac OS X préinstallé, qu'en est-il des mises à jour? Le propriétaire de Open Computer risque probablement de ne jamais pouvoir obtenir ces fameux correctifs devenus essentiels de nos jours. Quoi qu'il en soit, il sera intéressant de voir la réaction de la société Apple face à cette intrusion dans son monde. La compagnie peut-elle légalement empêcher un fabricant d'offrir un ordinateur capable de faire fonctionner son système? L'article vient de Canoë. Ça va être très intéressant de suivre les développements de cette nouvelle-là parce que, bon, il y a des gens qui disent est-ce que c'est correct de la part d'Apple de forcer les gens à utiliser leurs propres produits? Il y a déjà eu des poursuites contre d'autres compagnies par rapport à ça. Par exemple, bon, Microsoft qui se fait tout le temps poursuivre pour les affaires d'antitrust, là, vu qu'ils installent leur logiciel sur leur ordinateur à la base. Bon, ça fait la controverse, voilà. On parle de Microsoft après Apple. Connaissez-vous le projet Québec de Microsoft, demande le carnet techno de Radio-Canada? Rassurez-vous, ce n'est pas une grande conspiration pour prendre d'assaut la ville de Québec, mais plutôt le nom de code du prochain système embarqué de Microsoft. De nombreux fabricants de produits électroniques utilisent le système d'exploitation Windows XP en version embedded pour rendre intelligents leurs appareils et question de leur permettre une certaine capacité de relation avec leur environnement. Le carnet techno a donc appris qu'il n'y aura probablement pas de version embarquée sous les traits de Windows Vista. Microsoft semble vouloir se diriger directement vers une nouvelle version de cette technologie basée sur le nouveau système d'exploitation Windows 7 qui devrait être disponible l'an prochain. Et c'est donc cette nouvelle version du Windows 7, version légère et embarquée dans les produits électroniques, qui porte présentement le nom de code Québec. Et là, les commentaires disent « C'est incroyablement insultant pour le Québec de se faire ainsi récupérer par le géant de la désinformation et de la politique du secret du monde de l'informatique. » On parle maintenant du mouvement national des Québécoises et Québécois qui souhaitent l'ajout du nom de domaine .qc sur la toile. Pour ce faire, l'organisme appuie l'initiative du député péquiste Daniel Turpe et invite les internautes du Québec à signer la pétition Opération.QC, publiée à l'adresse Opération. Là, on parle de point en lettres, Opération. Trait d'union QC.org, là, c'est un vrai point. Et je cite, « Nous croyons nécessaire et primordial que les Québécois prennent leur place sur Internet et obtiennent le suffixe .qc pour identifier les sites bien de chez nous. Le Québec est une nation et tous les facteurs qui ont milité en faveur de cette reconnaissance militent également pour l'obtention du suffixe .qc », ce qu'a déclaré le directeur général du Mouvement national des Québécoises et Québécois, le MNQ. Ce mouvement donc a rendu disponible le bouton opération.qc et invite les propriétaires de sites Internet à l'afficher. Et je cite, « Le Québec doit imiter la Catalogne et se donner un autre symbole fort pour que l'identité québécoise s'affiche sur la toile. Tout au long de son existence, le MNQ a été étroitement lié à l'affirmation de notre identité nationale. 60 ans plus tard, les Québécois peuvent espérer signer leur présence sur la toile à l'aide d'un nouveau symbole. » Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd'hui 19 sociétés nationales et sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec et compte au total quelques 110 000 membres. L'article vient de Canoë. Donc, c'est pas assez un .qc.ca. Vu qu'on est une nation, il faut avoir un .qc. C'est ce qu'ils disent. Allez voir le site opération. Point en lettres près d'union qc. Point en symbole ORG. Hein? Très simple. En parlant de point quelque chose, les internautes canadiens ont enregistré 1 million de noms de domaine .ca selon l'autorité canadienne pour les enregistrements Internet, la CEI. Un avocat de Calgary, Brent Krause, en Alberta, est l'internaute qui a franchi le cap du million en enregistrant le nom de domaine krauselaw.ca pour promouvoir son cabinet privé. Et je cite, « J'ai recommandé le domaine à mes clients dans le passé. C'était évidemment mon premier choix pour le site Internet de mon cabinet. Hein? » Le domaine .ca a été créé en 1987 par des bénévoles de l'Université de la Colombie-Britannique, mais sa gestion a été confiée à la CEI en 2000. Le premier site Internet à arborer le domaine était upei.ca, créé en 88 par l'Université de l'île du Prince-Édouard. Depuis ce temps, l'utilisation du suffixe canadien connaît une croissance annuelle de 20%. Selon la CEI, le domaine .ca se classe maintenant au 17e rang mondial des plus utilisés, en incluant les principaux domaines génériques tels que .com, .org et les registres nationaux comme .co.uk et .fr. On peut mentionner aussi que le député péquiste Daniel Turpe a lancé dans les derniers jours l'opération QC. Ben, c'est ce que dit l'article, mais bon, vous êtes déjà au courant, on en parlait il y a quelques secondes. Pour plus de détails sur le domaine .ca, allez voir le www.1milliondomaine.ca. 1 million domaine, point en symbole, CA, en lettres. Mm-hmm. Il y a quelques semaines, il y avait une grande enquête de Léger Marketing qui nous apprenait que les Québécois sont de plus en plus à l'aise avec Internet. Le sondage en question, qui a été commandé par le Centre francophone d'informatisation des organisations, révélait notamment que 71% des Québécois utilisent Internet sur une base régulière, alors que 72% de nos domiciles sont branchés. Une nouvelle enquête réalisée à l'échelle mondiale par la firme de sondage GFK Group permet maintenant de nous comparer à d'autres pays. Ainsi, du côté de l'Europe, ce sont les gens de l'Islande et de la Scandinavie qui se classent bon premier. 88% des Islandais âgés de 14 ans et plus disent utiliser Internet de façon régulière. Ils sont suivis par les Finlandais à 81%, les Norvégiens et les Danois à 76% et les Suédois à 73%. À l'opposé, certains pays européens affichent un taux d'utilisation très bas. C'est le cas de l'archipel de Malte au sud de la Sicile avec un taux d'utilisation de seulement 25%. 35% des Espagnols disent utiliser Internet de façon régulière, contre 43% pour les Portugais et 45% pour les Irlandais. Du côté européen, le record absolu appartient à l'Albanie. Seulement 1% des gens affirment utiliser régulièrement Internet. Pardon, dans les autres grands pays, la majorité des gens sont des utilisateurs réguliers. C'est le cas en Australie avec 67%, en Grande-Bretagne 63%, en Allemagne 61%, en France 56% et en Italie 53%. L'utilisation généralisée d'Internet s'explique entre autres par le fait que les gens se laissent de plus en plus séduire par les nouvelles applications du web, dont la baladodiffusion, les blogs, les réseaux sociaux. Certains disent même que notre vie de tous les jours, personnelle et professionnelle, repose en partie sur Internet. Tout à fait vrai. Pour s'en convaincre, il suffit de s'imaginer la vie quotidienne pendant une panne majeure de quelques semaines. Canoë.com. Parlant de ça, parlant exactement de ce sujet-là, lancé en 2007, l'initiative du Montréalais Denis Bistrov revient encore cette année. Le 3 mai, l'organisme Shutdown D vous invite à éteindre votre ordinateur. Le 24 mars 2007, 65 000 personnes ont répondu à l'invitation de l'organisme Shutdown D en fermant leur ordinateur pendant 24 heures. L'objectif de l'organisme sans but lucratif mis sur pied par l'informaticien montréalais Denis Bistrov est de prendre conscience des pièges liés à l'usage excessif de l'ordinateur, mais aussi de la télé, des appareils mobiles et des jeux vidéo qui empiètent sur la vie sociale. Pour Michael Taylor, qui est un des membres de l'organisation, se passer de l'ordinateur est une chose très difficile à réaliser. Et je cite, « Je ne pourrais certainement pas et ne voudrais pas vivre sans mon ordinateur, mais je sais, par exemple, que certains parents sont si dépendants de l'ordinateur qu'ils passent peu de temps avec leurs enfants. Et je sais aussi que certains enfants ne passent pas de temps avec leurs parents parce qu'ils sont toujours devant l'ordinateur. Nous voulons pas dire aux gens quoi faire, mais voulons simplement qu'ils participent à l'expérience pour découvrir ce qui se passera. » Découvrir notamment qu'il y a un monde qui existe au-delà de l'écran d'ordinateur, comme le souligne l'organisme sur son site. 625 participants américains ont confirmé leur participation au Shutdown Day du 3 mai 2008, alors que seulement 111 participants canadiens ont répondu à l'appel jusqu'à présent. L'article vient de branchezvous.com. Si ça vous intéresse, allez voir le site qui est le shutdownday.org. Et finalement, le fondateur de Rocket Boom, connu pour avoir donné une première chance à la célèbre animatrice de web télé Amanda Condon, Andrew Barron, offre son compte Twitter, ses mises à jour et ses abonnés aux enchères. Twitter, c'est un service de micro-blogging qui permet à ses usagers de partager de courtes phrases jusqu'à 140 caractères avec les abonnés de leur page. Je trouve ça complètement inutile, mais c'est beaucoup à la mode. Et sûrement que ça va venir au Québec un jour. Déçu de son utilisation du service et désolé pour les abonnés de sa page, il souhaitait à prime abord le supprimer. Puis lui vint l'idée de le vendre, et je cite, « Je vois pas pourquoi je le vendrais, particulièrement si quelqu'un avec qui j'aurais des intérêts communs voulait l'utiliser pour s'exprimer ou avoir des discussions intéressantes. Je ne vois pas pourquoi je le vendrais. » La page de Barron compte 1500 abonnés. Combien ça vaut? Et je cite, « J'en ai aucune idée, c'est pourquoi j'ai demandé le prix minimal. » Donc, le 13 avril à 8h30, l'offre maximale était de 465$. Vous pouvez aller sur la page d'eBay. En fait, on va aller voir live comme ça en direct. Ah, ben tiens, ça tombe bien qu'on ait été voir. C'est terminé, donc la vente est complétée. Et puis, présentement, ben, je cherche le montant pour lequel ça a été vendu. Seulement, le starting bid, la mise de départ est annoncée à 99 cents. Et je vois pas le prix final. Non, enfin bon, peu importe, c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est un compte Twitter qui a été vendu par le fondateur de Rocket Boom. Voilà pour le bloc F5 informatique. Regardons le top des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. En cinquième, ça monte Facebook. En quatrième, ça monte YouTube. En troisième, c'est très stable, Hotmail. En deuxième, ça descend avec Horoscope. Et la première place est occupée par les Pâques. Voici Creature et Bridget Bardot à la connexion au 89.1 FM, c'est une émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo dans vos oreilles. My rhythm and leave this town, 'cause I wanna hit a place that is off the ground. So I get into a spaceship and get up to get down. You come and play with me.

On imagine toute la détresse de ces infortunés gamers. Gamers qui, à l'heure actuelle, se comptent heureusement sur les doigts d'une main de lépreux, dit l'article de jeuxvideo.com. Le problème très peu courant serait en fait dû à un défaut du disque dur de la machine ou à un souci lors de l'installation d'un jeu ou d'un nouveau firmware. Ça, c'est le petit logiciel à la barre de la console. Et si ça arrive, un simple reset de la console ne servira tout simplement à rien. Sony reste pour l'heure assez évasif sur le sujet, mais recommande tout de même aux joueurs de s'assurer que leur connexion Internet est stable lors des mises à jour et de veiller à ce que la console ne chauffe pas trop en enlevant amoureusement toute trace de poussière sur sa belle coque de frigidaire, j'y rajouterais. Dernière recommandation d'usage, suivre les instructions d'installation des mises à jour à la lettre sans brûler les étapes. Les autres, ceux qui auront subi le traumatisme de l'erreur 800-10514, n'auront plus qu'à contacter le service de Sony pour réclamer le remplacement de leur machine. Vous pouvez aller lire l'article de Game Revolver via jeuxvideo.com sur le site de l'émission au www.unechance.com. Je rappelle l'adresse, le www.unechance.com. Toujours au sujet de Sony, tel que promis, ils ont lancé la version 2.30 du firmware du petit logiciel à bord de la PlayStation 3. La modification la plus notable de cette mise à jour est sans contredit le nouveau design du PlayStation Store, dont le look, la navigation et la vitesse ont été grandement améliorés. Vous y retrouverez notamment de nouvelles catégories permettant d'accéder à ce que vous désirez acheter et télécharger plus facilement. À noter que la version 2.30 du firmware ajoute également le support DTS HD Master Audio et du High Resolution Audio pour le format Blu-ray. Avec le lancement de cette nouvelle version du micro-logiciel, les mises à jour du PlayStation Store recommenceront dès jeudi, donc aujourd'hui, avec la disponibilité de Gran Turismo 5 Prologue, la seconde expansion du jeu Warhawk et de nouvelles chansons pour le jeu Rock Band. Voilà! On passe à Nintendo maintenant, qui ne présentera pas de nouveaux modèles de Nintendo DS durant la prochaine édition de l'E3, le salon international du jeu vidéo. Le constructeur a démenti sur Yukon Fuji les récents propos de Hirokazu Amamura, le président d'Enterbrain, Famitsu. Et je cite, « Nous ne pouvons pas faire part de nos plans pour les annonces du prochain E3, mais nous tenons à démentir catégoriquement les propos de M. Amamura », ce qu'a déclaré Ken Toyota. « Nous avons même du mal à comprendre sur quelle base se fondent pareilles allégations », poursuit le responsable des relations publiques chez Nintendo, à croire que les deux révisions successives de la Game Boy Advance n'ont jamais existé. Ouais, c'est vrai, il y a quand même eu plusieurs versions de la Game Boy Advance, déjà plusieurs versions de la Nintendo DS avec la Fat et la Lite. Donc, une nouvelle version aurait très bien pu arriver, donc peut-être l'année prochaine. La DS a encore pas mal de vie devant elle, selon moi. On sent que l'attention des vieux joueurs rabougris qui ont sué sang et eau sur Street Fighter 2 sur leur Super Nintendo se tourne vers nous, dit jeuxvideo.com. Nintendo va distribuer un pad officiel Super Nintendo dédié aux jeux consoles virtuelles. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et là, évidemment, on jubile tous à l'idée de remplacer la manette classique pour se la donner de nouveau sur Street Fighter. Seul hic, dit l'article, ce pad est pour l'heure réservé au club Nintendo japonais, mais avec un bon coup de chance, il pourrait débouler dans le commerce. Certains sites tels que PlayAsia semblent en tout cas y croire, puisqu'il propose la bête en précommande. Donc, ce que ça veut dire, c'est une manette de Super Nintendo officielle de Nintendo, de la compagnie. Pas une manette que vous changez les fils pour essayer de faire fitter ça avec du soudage. Non. Non, c'est une vraie manette sanctionnée par Nintendo qui va fonctionner sur la Nintendo Wii. C'est génial. On se rappelle, la semaine passée, on en parlait à la connexion, il y a une manette de GameCube blanche au Japon qui va servir aussi pour la Nintendo Wii. On passe maintenant à la chronique, à la section business de notre bloc F5 jeux vidéo. Ubisoft acquiert un premier studio en Inde. Oui, Ubisoft a annoncé qu'elle a conclu une entente avec Gameloft afin d'acquérir le studio de cette dernière basé à Pune, en Inde. Ce studio, qui fut créé en 2006, compte pas moins de 120 développeurs et testeurs et servira à porter les titres sur des consoles portables et à renforcer les équipes de test d'Ubisoft. Celle-ci compte d'ailleurs faire passer à 200 le nombre d'employés de ce studio d'ici les 12 prochains mois et à 500 d'ici les prochaines années. Et je cite, à l'image de la récente ouverture d'un studio à Singapour, Ubisoft poursuit son développement dans le sud-est asiatique, a déclaré Christine Burgess-Kemar, directrice générale de la production internationale d'Ubisoft. Cette acquisition nous permet de nous établir pour la première fois en Inde, pays dont l'avenir dans l'industrie du jeu vidéo est très prometteur. Derrière le nom rigolo de Retomoto se cache un nouveau studio de développement basé à Copenhague dont on parle parce qu'il a été monté par les fondateurs de IO Interactive. Pour être plus précis, Retomoto existe depuis 1997 et se trouvait à être la maison mère de IO Interactive, studio à qui on doit la série Hitman. Aujourd'hui, alors que IO appartient depuis 2004 à Eidos, qui appartient lui-même à SCI, donc il faut suivre un petit peu l'histoire, les fondateurs ont quitté le studio pour changer la marque inconnue de Retomoto en un studio qui compte se concentrer sur le jeu en ligne. On attend maintenant d'en savoir plus sur leur projet. En revanche, on ne peut que se demander si tout ceci aura des répercussions sur l'avenir de la franchise Hitman qui perd un peu ses parents dans l'affaire. C'est ce que dit jeuxvideo.com. Annoncé tambour battant en fin d'année dernière, on en avait parlé ici à la collection, la très médiatique fusion entre les deux géants Vivendi et Activision vient d'obtenir le feu vert de la Commission européenne. Sans surprise donc, les commissaires de Bruxelles valident la prise de contrôle du groupe français sur l'éditeur de Guitar Hero, de Tony Hawk ou encore de Call of Duty, une opération qui permettra l'émergence d'une toute nouvelle filiale de jeux vidéo qui sera baptisée Activision Blizzard, dont le chiffre d'affaires annuel est estimé à 3,8 milliards de dollars, 2,4 milliards d'euros. Voilà pour la fusion entre Vivendi et Activision. Le magazine en ligne Next Generation a compilé les données de vente de jeux vidéo en provenance de plusieurs sources afin d'établir le palmarès des meilleurs vendeurs de l'année dernière en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Next Generation tire quelques conclusions intéressantes. Le succès de Madden NFL n'est plus une anomalie. Plusieurs titres s'écoulant désormais à plusieurs millions d'exemplaires. La PlayStation 2 continue d'avoir du succès, comme en témoignent les ventes de jeux de sport ou de jeux sous licence. D'ailleurs, la popularité des jeux de sport ne dément pas, vraiment pas. L'influence de Wii Sports y est certainement pour quelque chose, dit l'article de Jouer. Les exclusivités sur la Wii se vendent mieux que les exclusivités sur les autres plateformes. Autre observation intéressante, une troisième voie se dessine pour les développeurs à la recherche de succès. S'il est encore possible de connaître du succès en développant des jeux à gros budget exclusifs à une plateforme ou en développant un jeu sous licence sur un maximum de plateformes, il est désormais possible d'obtenir du succès en développant un jeu peu dispendieux uniquement sur la Wii ou sur la Nintendo DS. Donc, vous pouvez aller voir la liste des jeux les plus vendus au cours des 12 derniers mois. Gardez à l'esprit par contre que cette liste ne tient pas compte de plusieurs marchés, notamment le Japon, où la Wii et la DS connaissent beaucoup de succès. Aussi, elle compile les ventes réalisées sur les jeux lancés entre le 1er mars 2007 et le 1er mars 2008, qu'elle ne tient pas non plus compte des jeux offerts sous forme de compilation, les jeux qui sont livrés avec des consoles ou les jeux qui sont distribués en ligne. Et en terminant, dans le cas des jeux multiplateformes, la plateforme la plus populaire est listée en premier. Donc, allez voir le top 100, c'est bien ça, le top 100, oui, des jeux les plus vendus au cours de l'année qui vient, de mars à mars, les 12 derniers mois. Une récente étude menée par l'Electronic Entertainment Design and Research Group fait état d'une réalité plutôt surprenante. En effet, alors qu'on pourrait croire que les démos font vendre des jeux, il semblerait plutôt que les bandes-annonces de jeux contribuent davantage au succès commercial des jeux vidéo mis en marché. Selon l'étude, la majorité des jeux s'étant les plus vendus sur Xbox 360 et PlayStation 3 ont été précédés de bandes-annonces uniquement et non de démos. En fait, les jeux accompagnés tant de bandes-annonces que de démos se sont vendus bien moins que ceux n'ayant été précédés que par des bandes-annonces. L'étude affirme également que les jeux sans démos et sans bandes-annonces sont mieux vendus sur PS3 que sur Xbox 360. Ainsi, il serait dans l'intérêt de toute compagnie lançant un jeu sur la console de Microsoft de le faire connaître via Xbox Live par l'entremise d'une démo, ou mieux encore, selon l'étude, de bandes-annonces. Est-ce que ça pourrait signifier la fin des démos? Demande hardgamers.com. Non, aucunement, selon les chercheurs ayant mené l'étude. En fait, plusieurs distributeurs ne peuvent se payer une forte campagne de publicité à la télé ou encore sur Internet, d'où l'importance alors de la disponibilité des démos pour ces firmes. D'ailleurs, les chercheurs recommandent aux compagnies de lancer des démos de leurs jeux après la mise en vente de ces derniers plutôt qu'avant. Enfin, plusieurs jeux ont connu du succès grâce à leurs démos, l'un des exemples les plus récents étant BioShock pour Xbox 360, dont la démo, qui a connu une énorme popularité, a aidé le jeu à connaître d'excellentes ventes dès sa mise en marché. Voilà donc un article de Hard Gamers. La maison de disques Mercury Records a annoncé que le nouveau simple du groupe Def Leppard sera offert en primeur comme pièce téléchargeable dans Guitar Hero 3. À partir du 24 avril, ceux qui possèdent les versions PlayStation 3 et Xbox 360 du jeu pourront télécharger Nine Lives. De plus, deux classiques de Def Leppard, Rock of Ages et Photograph, seront ajoutés pour former un trio qui sera offert le 24 avril. Son prix de vente sera de 500 points ou 6,25 $. Il y a quelques semaines, le guitariste de Def Leppard, Phil Collin, annonçait que plusieurs pièces de son groupe allaient être présentes dans Guitar Hero 4. Il faut croire qu'il s'est trompé de volet, dit jeu vidéo, dit jxp.ca. Oui. Certains pays ne plaisantent pas avec l'école, dit jeuxvideo.com. C'est le cas, par exemple, du Brésil, qui a interdit récemment la distribution de boulis sous prétexte que la violence du héros s'exerce en milieu scolaire. Mais ce sont nos amis allemands qui décrochent la palme de la paranoïa en demandant purement et simplement aux détaillants de bien vouloir éteindre toutes leurs consoles pendant les heures d'école. Incroyable. Éteindre toutes leurs consoles dans les marchés. Pendant les heures d'école. En tout cas, motif évoqué, les démos de jeux qui tournent dans les magasins favorisent l'absentéisme. Or, selon Udo Nagel, un officiel allemand, et je cite, « L'absentéisme peut être le début d'une carrière criminelle. » Mais oui, bien sûr. La proposition de loi sera étudiée à la fin du mois lors d'une réunion à Brandenburg. En attendant, on conseille à Herb Nagel de faire fermer aussi les cafés, les magasins de jeux de société et les parcs municipaux pendant les heures de classe, parce que ça pourrait inciter les gens à l'absentéisme. C'est une bonne réflexion de la part de jeuxvideo.com. Sérieusement, on devrait arrêter de diffuser la radio. Moi, je pense que c'est fou, là. Ouais. Pendant les heures de cours, là, c'est fou, ça marche pas pantoute. Ah, quelle nouvelle ridicule. Game Developer Magazine publie son nouveau rapport sur les salaires pratiqués au pays joyeux des enfants heureux. On parle du monde merveilleux de la production de jeux vidéo. Il est basé sur les réponses de près de 5000 personnes interrogées et concerne essentiellement les États-Unis. Donc, voici le classement des différents métiers avec pour chacun le salaire annuel brut moyen constaté. En marketing, on parle de 101 848 $. Un programmeur fait environ 83 400 $. Un producteur fait 78 700 environ. Un sound designer fait environ 73 400. Un artiste animateur, environ 66 600. Un game designer, environ 63 700. Et un testeur, environ 39 000 $. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir leur dossier à jeuxvideo.com, un dossier sur les métiers du jeu vidéo. Ça vous attend sur lunechance.com, le site de l'émission, le www.lunechance.com. Voici le top 5 des jeux les plus loués la semaine dernière dans les super clubs Vidéotron. En cinquième position, on parle de Army of Two sur la PlayStation 3. En quatrième, c'est Tom Clancy's Rainbow Six Vegas sur le deuxième, oui, sur la PlayStation 3. En troisième, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. En deuxième, Army of Two sur la 360. Le numéro 1 est Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la Xbox 360. Voici Duchess Says et Caught Up. À la collection, on parle technologie informatique et jeux vidéo. Au 89 FM dans votre région. We'll be right back. Duchess 16. Avec la pièce collab de leur album Anthologie des Trois Perchoirs, ici à la collection, on parle technologie informatique et jeux vidéo, 89 FM. Maintenant, c'est le bloc cybercrime. On parle de nouvelles illégales, de nouvelles de choses croches, de choses pas correctes, de choses à ne pas faire. On commence par les virus informatiques qui ont dorénavant un visage. Création d'un chercheur et artiste visuel du Massachusetts Institute of Technology, selon l'Associated Press. Alex Dragulescu s'est fait demander de trouver l'apparence de certains logiciels malveillants par la firme de sécurité informatique Message Labs. Le chercheur a reçu de la firme de sécurité des exemplaires sans danger de certaines infections informatiques et a décortiqué leur structure interne. Il a ensuite créé des images pour les logiciels malveillants PWS Lineage, Stormy, MyDoom, IRC Bot et Virut MitHub. Et je cite... Oui, je cite. Il y a une certaine forme de beauté dans la complexité de ces logiciels malveillants. C'est ce qu'il a déclaré à l'Associated Press lors du vernissage de ses œuvres à San Francisco. Ces virus ou ces vers ont été conçus par des gens extrêmement intelligents. Ce sont des organismes numériques à part entière qui peuvent s'adapter et se reproduire seuls. J'ai essayé de dépeindre ces particularités dans mes images. L'artiste et chercheur a colligé l'ensemble des données qu'il fait recueillir sur les virus et les a ensuite insérés dans un logiciel de sa conception pour générer leur apparence. Les tentacules représentent par exemple les cibles que tentent d'atteindre les logiciels malveillants lorsqu'ils sont installés dans l'ordinateur d'une victime. Si vous voulez voir une partie du travail de Alex Dragulescu, allez voir le unechance.com et cliquez sur l'article « Les virus informatiques ont maintenant un visage » www.unechanceux.com. La cyberintimidation, c'est un phénomène qui inquiète particulièrement les enseignants québécois, révèle un sondage de la Centrale des syndicats du Québec réalisé auprès de 1200 de ses membres. Selon le sondage, 15% des répondants affirment connaître au moins une victime de cyberintimidation qui serait, dans la plupart des cas, un élève. Environ 5% des enseignants soutiennent qu'ils ont eux-mêmes été victimes de violences psychologiques par Internet. Le sondage dévoile que les trois quarts des répondants se sentent démunis face au phénomène. Plus de 9 membres de la CSQ sur 10 considèrent également que les écoles devraient être plus sévères envers les cyber-intimidateurs. Voilà. D'après les répondants, la cyber-intimidation se déroulerait surtout par courriel à 54%, sur les sites Internet de clavardage à 20% et par texto à 11%. Les commentaires des cyber-intimidateurs portent généralement sur l'apparence des victimes, souligne-t-il. La CSQ publie les résultats de ce sondage dans l'espoir de pousser le ministère de l'Éducation à sortir plus rapidement le plan de lutte contre la violence dans les écoles qu'il promet depuis plus d'un an. Selon la centrale syndicale, un plan d'intervention sur la cyberintimidation doit absolument y être ajouté pour s'attaquer au phénomène. En entrevue avec le quotidien La Presse, la porte-parole de la ministre de l'Éducation, Michel Courchain, a répondu que le plan sera dévoilé ce printemps, mentionnant qu'un sondage a été réalisé par la firme Crop auprès de 1200 enseignants entre le 6 et le 19 février. Sa marge d'erreur est de 3% 19 fois sur 20. Vous voulez voir le sondage, allez cliquer sur l'article qui s'appelle « Québec, la cyber-intimidation inquiète ». C'est sur lunechance.com. L'UQAM prend les grands moyens pour combattre le plagiat. Un système informatique de plainte et des responsables d'enquête seront mis en place dès la prochaine rentrée afin de faciliter la dénonciation. C'est ce qu'a appris le Journal de Montréal. À l'heure actuelle, les professeurs doivent eux-mêmes dénoncer leurs étudiants en remplissant un formulaire papier. Ils doivent ensuite amasser la preuve et éventuellement se présenter devant le comité d'éthique pour démontrer qu'un de leurs étudiants a effectivement plagié. Je cite, on veut changer la façon de faire. En ce moment, le prof a un peu un rôle odieux, affirme le directeur du bureau de l'enseignement et des programmes à l'UQAM. Avec le nouveau règlement qui devrait être en vigueur en septembre, l'enseignant n'aura qu'à dénoncer le cas de plagiat grâce à un formulaire électronique qui est actuellement en rodage. Une autre personne sera mandatée dans chaque faculté pour faire le travail d'enquêteur et présenter la position du prof devant le comité de discipline. L'enseignant deviendra alors un simple témoin. Le nouveau règlement ajoutera ainsi un élément dissuasif pour les étudiants qui seraient tentés de tricher, c'est-à-dire une note au dossier. Il y aura des traces pendant 2 ans, ils vont être capables de faire un suivi. C'est ce qu'a dit le directeur du bureau de l'enseignement et des programmes. L'article vient du Journal de Montréal. Ça sent bien. Ah oui, ça c'est intéressant. Une députée française a déposé un projet de loi pour déclarer hors la loi les sites qui font la promotion de l'anorexie. Il faut savoir qu'en France, les sites qui font l'apologie du suicide sont déjà considérés comme illégaux. Selon le texte déposé et accepté par l'Assemblée nationale française, le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions alimentaires prolongées seront maintenant un crime en France. Depuis plusieurs années, on retrouve sur Internet des centaines de sites dans toutes les langues qui font l'apologie de l'anorexie en offrant le mode d'emploi complet pour devenir à la parfaite anorexique. Tout y est, du petit guide pour mieux vomir en passant par le guide des excuses à donner aux parents pour expliquer la perte de poids. Une fois que le Sénat français aura également donné son accord, l'incitation à l'anorexie deviendra un crime et sera puni de 2 ans d'emprisonnement et de 48 000 $ d'amende si le texte reste en état. Dans le cas où il y aurait eu décès consécutif, la peine passe à 3 ans de prison et à 72 000 $ d'amende. Voilà qui fait le tour pour le bloc cybercrime. Parlant de choses pas correctes du tout, voici le top des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com en ce moment même. En 5e, on retrouve Final Fantasy XII sur la PS2. En 4e, c'est Pokémon Diamond sur la DS. En 3e, Mario Kart Wii sur la Wii. En 2e, Crisis Core Final Fantasy VII sur la PSP. Et le jeu le plus triché sur GameFAQs.com en ce moment, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. C'est déjà la fin de la première heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans la deuxième heure, on va faire un gros bloc autour du net pour commencer la deuxième heure. On va aussi parler de science et de technologie. On va faire les bonnes nouvelles CNX et aussi les jeux qui s'en viennent bientôt sur vos écrans. Mais avant, on se quitte pour les nouvelles de Radio-Canada et puis on s'en va entendre une pièce de Carquois qui est sur le palmarès francophone de C'est Fou. Leur album s'appelle Le volume du vent et la pièce, elle, est échappée au sort. J'ai écouté le 89.1 FM et vous adorez ça! Hearing the same old crap, well have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. straight out of Compton. Straight out of Compton. crazy motherfucker named Ice Cube from a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson, now. Never meant to make your daughter cry. I apologize the same time. Sorry Miss Jackson, now. And the mighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls, it's girls I do adore. You put your name on this paper, cause I would love to ditch, holler at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now, 2-555-00-2214. Or for those who are online, www.rickyvvalentine.com. Deuxième heure de la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va faire entre autres un bloc science et technologie. On va avoir les bonnes nouvelles CNX, mais on va commencer par le bloc autour du net. On va avoir entre autres des cours d'éducation sexuelle, hein, et le thème de Mario avec une voiture et des bouteilles. Fascinant, n'est-ce pas? Pour l'instant, voici une pièce de Taxi Nouveau. Créatine Contine, 89 FM, c'est dans vos oreilles, ça. Nouveau, c'est vraiment génial ce qu'il fait. C'est la pièce Créatine Contine à la connexion par technologie informatique et jeux vidéo au 89 FM. Maintenant, on se tape un petit tour du net. Plein de choses qui sont passées sur Internet cette semaine, tellement que j'ai eu envie de faire deux blocs différents. Donc, première partie du bloc autour du net, on commence par qui saisit Sex Ed. La fille donne, dans le fond, des cours de sexualité en ligne. Mais en fait, c'est plus des petits conseils. Là. Elle ne se prend pas pour une experte, là. C'est ce qu'elle dit dans son petit résumé. Elle dit, tu sais, je veux pas avoir l'air prétentieuse ou rien. Tu sais, j'apprends avec le temps. C'est des choses que vous pourriez vous-même trouver sur le net, n'importe quoi. Donc, on va simplement aller écouter un extrait du vidéo en cours de qui c'est dit. C'est Great Oral Sex for Women. Et là, en ce moment, mais dans cette vidéo-là, c'est plus une question de la semaine. Elle demande à ses amis internautes, parce qu'elle a quand même 30 653 abonnés à son compte qui saisit sur YouTube, K-I-C-E-S-I-E. Et puis, jusqu'à maintenant, 1 858 288 vues de son canal sur YouTube aussi. Donc là, il demande des... cette vidéo est pour les personnes de 18 ans et plus seulement. Mais il y a d'autres sujets beaucoup plus intéressants. Par exemple, des techniques de sexualité, la virginité, sur le viol, sur plein de choses, dont le meilleur sexe à vie. Hein? Et pourquoi parles-tu de sexe? Elle s'est fait demander ça. Donc voilà, les réponses sur le youtube.com/user/qui saisit. Les liens sont toujours sur le unechance.com. Ensuite, ça c'est la vidéo qui m'a vraiment marqué cette semaine. Ça s'appelle Trapped. En fait, c'est le New Yorker. Est-ce que c'est un magazine ou un journal américain, en tout cas? Donc, ça se passe à New York, dans le McGraw-Hall Building. Un gars qui a été pris dans un ascenseur pendant ses 41 heures. Donc, on regarde en peut-être 3 ou 4 minutes un genre de condensé de ces 41 heures-là. Tu vois le plan des caméras de sécurité. Lui, il est en haut à droite. Il prend l'ascenseur normalement, puis il commence à, il ouvre la porte, ça marche pas, il regarde en haut au plafond, qu'est-ce qui se passe, il se met à dormir, je crois qu'il regarde les cartes qu'il y a dans son portefeuille, tout ça pendant 41 heures, condensé en 3 ou 4 minutes, c'est vraiment très très intéressant de voir qu'est-ce que quelqu'un fait lorsque confronté avec cette situation assez dérangeante. Donc, une vidéo que je conseille vraiment, vraiment beaucoup. Et si on se rend jusqu'à la fin, je ne vais pas vous voler le punch de ce qui se passe, mais donc ça finit bien, évidemment. Voilà. Ensuite, prochaine vidéo que j'ai trouvée, en fait, c'est sur le site de Martin Hendrix. Vous allez retrouver le lien sur lunechance.com. C'est « Give us today our daily terror ». Ça date de cette année. C'est un gars, dans le fond, qui a pris le film d'Alfred Hitchcock, The Birds, d'accord? Et puis, il a enlevé de façon numérique tous les oiseaux. Hein? Ça a l'air de pas donner grand-chose, mais c'est quand même une bonne expérience. Il a pas enlevé les bruits des oiseaux. Et puis, il y a quelques petits défauts. Une fois de temps en temps, on voit les ombrages que les oiseaux ont laissés. Pas les ombrages, mais les contours un peu à certains endroits. Donc, ça fait un film encore plus épeurant que The Birds de Alfred Hitchcock. Allez voir ça, c'est vraiment intéressant. C'est par Martin Hendrix. Ensuite, le prochain. Vous vous rappelez, peut-être, parce que je l'avais diffusé ici, assez fou, si je me rappelle bien, est-ce que j'en avais parlé? Oh, j'en avais parlé rapidement, j'avais survolé le sujet. C'était le vidéoclip de la formation Justice, qui s'appelait DVNO, et qui s'appelle encore comme ça, d'ailleurs. Ici, bon, c'est sûr qu'il ne va pas arrêter de sauter, là, mais il y a des bouts de vidéos des années 80, très old school, là, des vidéos, des intertitres ou des bumpers, on pourrait dire, dans certains cas, de HBO, Sega, NBC, PBS, des émissions de télé, des logos de plein de choses dans leurs vidéoclips. Donc, ce que la personne a fait sur le site de iHeartKiki, c'est qu'il a pris une capture d'écran de chaque image de logo dans le vidéoclip de Justice et vous donne la source d'où ça vient avec des liens et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très cool à voir, des vidéos sur YouTube, des images PNG. Donc, allez voir ça si vous avez déjà vu le vidéoclip de Justice. Sinon, allez voir lunechance.com et cliquez sur le lien pour aller voir aussi le vidéoclip parce qu'il est là. Et ça, c'est la pièce qui joue derrière moi, vous voyez? Justice. Ensuite, ça vient de l'archive de Apple. C'est un vidéoclip, vous vous rappelez, de Michael Jackson qui avait fait Black or White. Apple, l'équipe d'Apple, a repris cette vidéo-là, a fait Black and Blue. Ça vient de 1992. C'était sur le CD de QuickTime version 1.0. Voyez les effets spéciaux dans ce vidéoclip pour changer les faces. Dans Black or White, il y avait des métamorphoses d'un visage à un autre. C'est ce qu'ils ont reproduit dans Black and Blue. C'est vraiment quelque chose à voir. Donc, allez voir ça sur lunechance.com. Voilà, la dernière vidéo que j'avais choisie n'a pas eu le temps de se télécharger encore, mais c'est le thème de Mario avec une voiture. Hein? Une voiture et quoi déjà? Et des bouteilles. Donc, allez voir ça pendant que ça se... se télécharge sur le site de Boing Boing. Encore un type qui joue le thème de Mario, mais difficile de passer à côté de ce grand artiste puisque ce brave garçon le fait avec des bouteilles de vin alignées, frappées par une voiture radio guidée. Après deux essais infructueux, la magie de la folie absolue opère. C'est via jeuxvideo.com et d'autres sites. Ça fait le tour pas mal des internets cette semaine. Donc, je crois qu'on va pouvoir démarrer ça dans quelques secondes. Voilà. Allons-y. Okay, non, on voit qu'au début, c'est vraiment, vraiment un échec. Ah! Là, c'est mieux. On voit vraiment une auto téléguidée avec un petit bâton sur le côté frappé sur des bouteilles de vin avec différents niveaux. Génial. Allez voir donc Super Mario Brothers Theme performed by an RC car on a row of liquid filled bottles. Le lien sur lunechance.com, c'est via Bong Boing. Génial. On continue notre bloc autour du net avec une autre vidéo, mais celle-là, je vais en parler un petit peu plus rapidement. C'est une compilation des citations « He's dead, Jim ». Vous vous rappelez, c'était dans Star Trek. Hein? Bon, mais on vous montre chaque extrait de ça. Est-ce qu'on l'entend? « He's dead, Doctor. He's dead, Jim. He's dead. He's dead, Captain. You'll die, Jim. He's dead. Bon, he's dead. » C'est un petit peu moins intéressant, mais bon, pour les fans de Star Trek, ça peut être assez amusant à aller voir. On continue, il est déjà rendu quand même pas mal tard, ça fait longtemps qu'on parle de choses sur Internet, mais bon, continuons rapidement avec l'édition limitée. Vous vous rappelez tantôt, on en parlait de la manette Super Nintendo pour la Nintendo Wii, qui va être faite officiellement par Nintendo. Ben, il y a des photos de ça en train d'être développées que j'ai mis sur lunechance.com. J'ai aussi mis un forum NeoGAF avec un thread, comment on appelle ça, un billet, en tout cas sur un forum, de papier peint, de fond d'écran de jeux vidéo, et là c'est classé par ordre alphabétique, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc allez voir ça, c'est toujours intéressant d'avoir un nouveau fond d'écran de jeux vidéo. Ensuite, une Super Nintendo en carton. Oui, en carton, c'est quelqu'un qui a fait pas de l'origami, mais du pliage de papier pour recréer une Super Nintendo, les manettes et une cassette de jeu. Donc ça, c'est sur le site de slipperybrick.com. Le palmarès des 10 choses oubliées au sujet de Super Mario Kart, parce que bon, c'est le troisième Mario Kart, jeu vidéo le plus vendu pour la Super Nintendo de tous les temps. Donc normalement, nos souvenirs devraient être encore assez présents dans nos têtes, mais apparemment non. Je vais vous en mentionner quelques-uns. Il n'y a pas de mode plein écran. Hein. Quand on jouait tout seul à Super Mario Kart, c'était un écran divisé. Il y avait des pièces de monnaie aussi qui pouvaient être utilisées, par exemple, pour revenir sur la piste avec le petit nuage. Ça servait à plein de choses, dont accélérer la vitesse de votre kart. La vitesse accumulative. Il y avait aussi la plume qui vous permettait de sauter par-dessus les murs. Des super pouvoirs que seulement vos adversaires contrôlés par ordinateur ne pouvaient avoir. À la place d'avoir des gros blocs de points d'interrogation, vous vous rappelez, sur la piste, c'était plutôt des tuiles sur le plancher. Au lieu d'avoir 3 tours, il y avait 5 tours dans Super Mario Kart. C'est vrai, 5 tours pour chaque piste. Il y avait des petites plaques d'huile aussi. Hein? Des plaques d'huile, on s'en rappelle presque plus. Il y avait des vies aussi dans Mario Kart. Un nombre de vies limité avant d'avoir un game over. Mm-hmm. Et puis on perdait une vie à chaque fois qu'on n'arrivait pas en haut de la 5e position. Il y avait aussi des barricades disparaissantes qui disparaissaient, oui, dans Ghost Valley. Par exemple, des barricades à une seule fois. Donc, si on fonçait dedans une fois, elles disparaissaient. Et après ça, ça devenait un trou. Donc, plein de choses qui ont disparu de la série Mario Kart avec le temps. Sur ColorWars2008.com, ColorWar au singulier 2008.com, il y a Youngmi versus Naomi. Donc, c'est des gens qui ont pris une photo d'eux quand ils étaient enfants. Ils ont reproduit la pose dans le présent. Hein? Et là, on voit donc eux anciennement et eux présentement dans la même pose. C'est très fascinant comme projet. Il y a même un chat dans cette série-là. C'est très beau. Ensuite, obsoleteskills.com par Brad Kellett, qui, dans le fond, est l'idée de faire une liste d'habiletés inutiles, si on veut. C'est des habiletés qu'on avait avant, qui sont plus très, très utiles. Par exemple, pouvoir composer sur un téléphone à roulette, mettre une aiguille sur un vinyle, changer les pistes sur un 8 pistes. Sinon, remplir un crayon fontaine, un petit crayon à billes. Non, un crayon fontaine, c'est ce qu'ils appellent. Enfin bon, donc allez voir le obsoleteskills.com pour des exemples de ça. des descriptions un petit peu trop longues, mais quand même, c'est vraiment intéressant. ObsoleteSkills.com, c'est en anglais. Ensuite, le Yearbook Project Excelsior 1968 sur le site de robotjohnny.com. C'est un gars qui a pris le livre de finissant de 1968 de sa mère. Il a redessiné chaque personne. Chaque personne pour se pratiquer, tu sais, pour faire des bons dessins, des beaux dessins. Donc voilà, ça a commencé l'été dernier au Toronto Comic Arts Festival. Vous pouvez maintenant acheter le livre sur le robotjohnny.com. Le lien est sur lunechance.com. Rapidement, un script Grease Monkey, ça, c'est une extension pour Firefox, le furteur alternatif à Explorer, qui vous permet de télécharger toutes les vidéos YouTube en format MP4, parce que maintenant, YouTube a des vidéos en haute définition. Donc vous pouvez le faire avec le script Grease Monkey que j'ai passé sur lunechance.com. Des photos de différents produits avec la photo du produit dessus. Comme tu sais, on dit souvent un verre de Slush Poppy avec Slush Poppy dessus, qui est en train de boire un verre de Slush Poppy, qui a un Slush Poppy dessiné dessus, qui a un verre de... En tout cas, on parle par exemple ici dans cet article-là du Land O'Lakes Butter avec une fille dessus qui tient un paquet de Land O'Lakes Butter et dessus, il y a une fille qui tient, en tout cas, tu sais, ça se consomme toujours. Même chose pour de la poudre, de la baking powder, de la poudre à... En tout cas. Et puis du cacao aussi. Et donc, c'est des photos de tout ça, du sel. Et puis, des exemples de produits qui ont une image du produit sur le produit, qui a une image du produit dessus. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ici, il y avait... Ah, ça, c'était vraiment intéressant, ça. Ah oui, tantôt, on parlait de Martin Hendricks avec le film de Birds sans les oiseaux. Il y a aussi un site qui s'appelle Garfield-Garfield.tumblr.com qui est Garfield, mais avec Garfield enlevé. Donc, c'est des bandes dessinées de Garfield chaque jour. Sans Garfield, donc il est effacé de la bande dessinée. Ça rend la chose vraiment drôle, spéciale. Celebheights.com, ça fait presque 13 minutes qu'on parle de site sur Internet, donc accélérons pas, là, j'arrête pas de prendre mon temps. Celebheights.com, qui est un site qui vous propose de découvrir la grandeur d'une vedette en demandant à quelqu'un de prendre une photo avec cette vedette-là, une personne dont on connaît la grandeur. Hein? Donc, allez voir ça, c'est vraiment drôle. Il y a des vedettes un petit peu moins connues au Québec, mais quand même, dont Mackenzie Phillips et Joyce DeWitt de Twee's Company. Donc, allez voir ça, celebheights.com. Et puis, le Video Game Name Generator sur norefuge.net, c'est un générateur de noms de jeux vidéo, le titre le dit. Par exemple, en arrivant dessus, il vous donne juste un nom et le mot « next ». Donc, en ce moment, c'est Bionic Driving Takedown qui pourrait être un jeu vidéo, ou Inappropriate Cooking Jamboree, ou encore Mighty Computer Insurrection, ou Flying College Daredevils, ou encore Professional Rugby Takedown. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Voilà pour le premier bloc autour du net, extrêmement long cette semaine. Vous voyez, à chaque semaine, on doit se dépêcher et le faire à la fin de l'émission. J'ai comme 30 secondes pour tout dire. Là, j'ai beaucoup trop pris mon temps. Voici le top des logiciels les plus téléchargés sur download.com. En cinquième position, on retrouve Avast Home Edition. En quatrième, c'est ICQ. En troisième, LimeWire. En deuxième, Adaware 2007. Et le logiciel le plus téléchargé sur le download.com, c'est AVG Antivirus Free Edition. Vous écoutez La Connexion. On parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Restez avec nous dans quelques secondes. On fait un bloc science et technologie. On va aussi faire les bonnes nouvelles CNX et les jeux qui s'en viennent bientôt sur vos écrans. À La Connexion! Au 89.fm, voici Gigolo et la guerre des mondes.

Gérald Gentil, et mon prénom c'est Gérald, pas Gérard. Nunuche. N-E-U-N-E-U-C-H-E-S. À la collection Assez Fou 89 FM, maintenant voici le bloc S5 Sciences et Technologies. Le Centre des sciences de Montréal présente l'exposition Extra ou Terrestre jusqu'au 1er septembre. Cette exposition met en vedette la fascination millénaire de l'être humain pour le monde extraterrestre à travers les recherches scientifiques et les mythes populaires. L'exposition comporte 4 zones. La première expose des créatures venues d'ailleurs représentées dans diverses œuvres de fiction. La deuxième présente certains êtres étranges qui peuplent notre planète. La troisième propose de visiter les planètes inventées et de rencontrer leurs habitants potentiels. Et finalement, la dernière fait découvrir quelques recherches sur les communications extraterrestres. Créé à Londres en 2005, Extra ou Terrestre a depuis été présenté à Tokyo et à Miami. C'est très intéressant, c'est au Centre des sciences de Montréal jusqu'au 1er septembre. Il est fréquent que des jeunes qui achèvent leurs études de secondaire ou qui commencent leurs études collégiales ne sachent pas encore précisément quel domaine d'études répond le mieux à leurs aspirations. Et bien, ceux qui penchent vers l'informatique et la chimie auront la chance d'y voir plus clair en s'inscrivant au camp d'été de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Et c'est gratuit. La Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal organise des camps d'été en informatique et en chimie cet été. Ces camps s'adressent aux finissants des écoles secondaires et aux cégepiens terminant une première année de DEC ou de technique qui désirent poursuivre des études universitaires. D'une durée d'une semaine, les camps sont gratuits et auront lieu du 11 au 15 août 2008. Ces camps permettent de côtoyer dans un cadre amical des étudiants en informatique et en chimie du premier et au troisième cycle, ainsi que des professeurs reconnus internationalement. Bref, c'est une occasion idéale pour un jeune de définir son domaine d'études. Dans le cadre du camp informatique, les participants feront des travaux sur les sujets suivants: robotique et intelligence artificielle, jeux vidéo, infographie et vision par ordinateur, cryptographie et informatique quantique, langage de programmation et architecture des ordinateurs. Les étudiants intéressés peuvent s'inscrire avant le 2 mai au fas.umontréal.ca/camp ou passer par l'article sur lunechance.com. L'article s'appelle « Des camps d'été gratuits à l'Université de Montréal ». L'adresse est le www.unechance.com. En France, on passe aux bonnes nouvelles CNX. En France, le distributeur de magazines Relay.fr, Relay.fr, offre une alternative au papier pour sauver les arbres. Relay.fr, le kiosque numérique du distributeur de magazines français, offre désormais l'accès illimité à 400 titres qui peuvent être tous téléchargés avec l'abonnement à un forfait de 28,86$ par mois, 17,90€. Le kiosque existe depuis août 2006. Nous proposions alors 60 titres de la presse magazine. Aujourd'hui, nos clients peuvent accéder à plus de 400 titres, a indiqué au magazine L'Express le directeur général de HDS Digital qui opère la plateforme. Le virage vert de Relay.fr est notamment symbolisé par une association avec le groupe environnementaliste World Wildlife Fund, la WWF, auquel Relay.fr versera 1 euro pour chaque forfait vendu. Pas assez, selon moi, mais bon. Les fonds ainsi amassés par la WWF serviront à soutenir son programme de protection des forêts sèches de Nouvelle-Calédonie. En février dernier, le magazine américain Spin migrait sur MySpace, espérant ainsi étendre la portée ainsi que la durée de lecture de chacun de ses numéros. D'autres magazines comme Marie Claire ou Seventeen ont lancé des chaînes sur YouTube cette année. Très bonne chose parce que les magazines, c'est quelque chose qui gaspille plus de papier à chaque mois. Enfin bon. La société Toshiba a annoncé lundi qu'elle investira dans un nouveau centre de recherche dédié aux technologies pour lutter contre les effets nocifs des appareils et activités humaines sur l'environnement. La création du laboratoire de recherche sera réalisée grâce à la collaboration de l'Université Tsinghua de Pékin, où il sera d'ailleurs situé. L'entreprise japonaise et les chercheurs de l'Université chinoise vont effectuer des recherches conjointes dans sept domaines. Évaluation des performances des appareils électriques, la réduction des rejets polluants, la mise au point de systèmes d'alimentation électrique des appareils plus écologiques, nouveaux matériaux pour réduire la consommation d'énergie, outils de surveillance de la qualité de l'eau, allongement de la durée de vie des appareils électriques et technologies de lutte contre le réchauffement climatique. Les résultats obtenus par les chercheurs serviront d'une part à Toshiba, qui produira des appareils plus écologiques, et pour la Chine, puisque la Chine puisse instaurer des mesures gouvernementales plus respectueuses de l'environnement. Pour respecter les gens aussi. Aucun détail n'a cependant été mentionné quant au nombre de chercheurs qui seront embauchés pour travailler dans le nouveau centre de recherche. On rappelle que Toshiba et sa rivale Samsung se sont classés à la mi-mars en première position du palmarès pour une high-tech responsable de l'organisation Greenpeace. Toshiba est passé du 6e au 1er rang en améliorant notamment son score sur le critère de la responsabilité individuelle d'une entreprise. Ça vient de l'agence France-Presse, cette nouvelle. Cupcake Mail, une plateforme de marketing par courriel développée à Montréal, a été choisie pour mener une campagne de financement sur le web pour soutenir le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Barack Obama. La Montréalaise Cake Mail verra donc sa plateforme de marketing par courriel utilisée dans le cadre de la campagne An Obama Minute, campagne mise sur pied par un groupe de partisans indépendants du candidat démocrate. Un Obama Minute vise à amasser $1 million en une minute le 21 avril prochain. Donc, toutes les personnes inscrites à cette campagne seront sollicitées par courriel pour faire un don de $100 sur le site Welcome to Obama for America à 13h, heure avancée de l'Est. La campagne qui vise à regrouper 10 000 donateurs a enregistré 430 inscriptions dans les premières 24 heures de son lancement, le 8 avril dernier, générant du même coup plus de 4200 pages vues. Selon le créateur de la campagne An Obama Minute, CakeMail a permis à notre regroupement de déployer très facilement notre projet en bâtissant notre campagne rapidement, efficacement et intuitivement. Lancé officiellement jeudi le 10 avril dernier, le site compte sur le réseau de chacun de ses participants pour faire la promotion de cette campagne. Rappelons qu'à l'instar de la candidate démocrate Hillary Clinton et du candidat républicain John McCain, Barack Obama a investi les réseaux sociaux en ligne tels que Facebook et MySpace pour rejoindre le plus grand nombre possible d'électeurs. Et finalement, Vidéotron lance une campagne de récupération de téléphones mobiles en offrant à la population différents points de chute. Lancée mercredi le 9 avril en association avec le Jour de la Terre, la campagne Allô la Terre met à la disposition de la population des points de chute dans les superclubs Vidéotron et dans les boutiques Vidéotron partout à travers le Québec. Comme le rapporte le communiqué diffusé par Vidéotron, tous les appareils sans fil et leurs accessoires, piles, chargeurs et tuyaux en cuir récupérés dans le cadre du programme seront confiés à Recellulaire, une entreprise de récupération de téléphones sans fil qui leur donnera une deuxième vie lorsque possible ou en recyclera les composants de façon sécuritaire. Les profits issus de la revente et du recyclage de ces vieux appareils seront réinvestis dans les projets de corridors verts du Jour de la Terre qui aident à préserver et à améliorer la biodiversité en reconnectant les milieux naturels. Vidéotron profite également du Jour de la Terre pour relancer sa campagne publicitaire afin d'inciter ses clients à opter pour la facturation électronique. Sérieusement, tout le monde. Tout le monde qui écoute l'émission en ce moment, là, s'il vous plaît, allez sur Internet, faites annuler vos factures papier. Ça sert à quoi, les factures papier, pour vrai? Payer sur Internet, là, c'est vraiment très, très facile. Donc, je vois pas pourquoi on devrait continuer de gaspiller du papier sur des factures inutiles comme ça. Mais bon, c'est seulement mon opinion. Depuis avril 2007, plus de 100 000 clients de Vidéotron ont adhéré à la facture en ligne. Bravo à vous. Un programme qui permettra à l'organisation du Jour de la Terre de planter un arbre pour chaque client converti à ce mode de facturation. Quelle bonne nouvelle! Voilà donc pour le bloc Les Bonnes Nouvelles CNX. Et maintenant, changeons complètement de thème pour... Oh, oui! Faisons ça tout de suite. Je crois que c'est une meilleure idée de faire ça tout de suite. Voici les jeux qui s'en viennent bientôt sur vos écrans. Beaucoup de jeux qui sortent cette semaine selon Argamers.com. La grosse sortie, c'est celle de Gran Turismo 5 Prologue. Donc, on commence tranquillement sur la Nintendo DS. En fait, il n'y a aucun jeu sur multiplateforme cette semaine. C'est rare. Je sais pas si c'est la première fois que ça arrive en 4 ans. Sur Nintendo DS, Major League Baseball 2K8 Fantasy All-Stars. Il y a aussi Rondo of Swords. Il y a High School Musical to Work This Out. Teenage Zombies Invasion of the Alien Brain Thingies. Et un jeu basé sur la série Cory in the House. Sur PC, Final Fantasy XI Vanadil Collection 2008. Il y a The Sims 2 Kitchen and Bath Interior Design Stuff. Oui, l'extension cuisine et salle de bain. Jack Keane. Il y a Turok. Il y a Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Et Europa Universalis Rome. Sur PlayStation 3, Gran Turismo 5 Prologue. Et sur Nintendo Wii, Okami. Summer Sports Paradise Island. Et Emergency Mayhem de Warner Brothers. Voilà pour la liste des jeux qui sortent cette semaine. Sur Xbox Live, Microsoft a annoncé deux nouveaux Xbox Originals qui seront lancés dès le 21 avril sur le service Xbox Live. À partir du début de la semaine prochaine, vous pourrez donc acheter en ligne les jeux Splinter Cell, Chaos Theory et Metal Arms, Glitch et The System pour 1200 points Microsoft chacun. On rappelle que les Xbox Originals, c'est des jeux parus sur la première console Xbox, sont rendus disponibles sur la Xbox 360 via un émulateur. Donc, il n'y a aucun nouveau contenu pour d'ajouter dans ces jeux. Par contre... comme à chaque semaine, la Virtual Console s'est enrichie de deux nouveaux classiques. Cette semaine, Nintendo a décidé de couvrir les deux vieilles consoles de Sega. Donc, on commence par Fantasy Zone, qui est maintenant à la portée de tout le monde. Il est donc temps d'embarquer dans votre vaisseau pour compléter une série de missions de type Side-Scroller. Pardon. Il y a aussi Mega Turrican, qui est le troisième titre de la série, qui vous permet d'incarner Brent Maguire, le dernier survivant des United Freedom Forces. Voilà. Majisco est en train de faire vivre tout le stress relié à la gestion des vols aériens sur Nintendo DS avec Air Traffic Chaos. Ce jeu vous demandera de gérer les envols, les atterrissages et les douanes de pas moins de 14 lignes aériennes, le tout à travers différentes conditions météorologiques. Au total, le jeu comprendra 5 niveaux ainsi que 3 modes de difficulté. À noter que la vibration rendue possible en insérant une cartouche spéciale dans la fente Game Boy Advance de la DS sera supportée au sein du jeu. Air Traffic Chaos sera lancé cet été. Nintendo America a tenu sa promesse et lancera bel et bien l'ensemble Wii Fit pour moins de 100$. La firme a annoncé que cet ensemble sera disponible dès le 19 mai en Amérique du Nord pour 90$ américains. Au Canada, avec les taxes, ça va faire autour de 105$. On rappelle que Wii Fit, c'est l'ensemble de 40 activités qui vont tirer profit d'une nouvelle plateforme inclue dans le paquet. Vous retrouverez ainsi des exercices de yoga, de musculation, d'aérobie et de balance qui vous aideront à maintenir une bonne forme physique. Afin de vous aider dans votre entraînement, le jeu mettra à votre disposition des didacticiels ainsi que des tableaux permettant à 8 personnes de se comparer et de voir leur évolution dans leur entraînement. Les développeurs du jeu de boxe Dunking Presents Prize Fighter révèlent donc dans une entrevue accordée à CVG que leur titre sera compatible avec la balance Wii Fit. L'instrument sera utilisé dans certaines séquences d'entraînement et l'équipe cite déjà l'exemple d'un mini-jeu de corde à sauter dans lequel le joueur bondira sur la balance avec la Wiimote dans sa poche. On ne sait toujours pas s'il va s'exécuter dans cet exercice avec la grâce de Mohamed Ali de mangevideo.com. Toujours au sujet de la balance Wii Fit, les grands malades de Peekaboo Pole Dancing sont en train de faire savoir un peu partout qu'ils aimeraient développer un jeu de pole dance sur la Nintendo Wii. Pour rester relativement évasif, dit jeuxvideo.com, le pole dance, c'est une danse avec une barre verticale, une danse sexy de gymnastique. Je crois que j'ai même pas besoin de vous le dire, mais l'article le précisait. Nintendo va adorer le concept, certainement. Hein? C'est pile dans leur public cible, dit l'article. Il y a quelques semaines, MTV Games et Harmonix confirmaient le développement d'une version Wii de Rock Band, spécifiant qu'elle allait inclure 5 pièces exclusives, malgré le fait qu'ils ont enlevé l'accès au téléchargement de pièces à cause du manque de disques durs sur la Nintendo Wii. Donc, pour compenser, ils ajoutent 5 pièces. Donc, la courte liste, c'est Dirty Little Secret, des All American Rejects. Donc, Look Back in Anger de Oasis, Roam des B-52s, Rockaway Beach des Ramones et Roxanne de The Police. Donc, des pièces. Les gens qui ont une Xbox 360 et une PlayStation 3 peuvent déjà télécharger les chansons en question. Donc, ce n'est pas vraiment des exclusivités, mais au moins, vous allez avoir des pièces de plus que le jeu à la base. Namco Bandai a annoncé le développement de National Geographic Panda sur Nintendo DS. Il va s'agir d'un jeu de simulation animale pour guider des pandas avec votre écran tactile, oui. Non seulement les nourrir et les guérir, mais aussi les amuser avec des glissades et des jouets. Ça va être cet automne, ce jeu-là. Kaplan Test Prep and Admissions et Aspyr Media ont annoncé la signature d'une entente de plusieurs années afin de développer des jeux vidéo basés sur les produits de Kaplan. Ces produits permettent à des clients intéressés de suivre des cours de façon autonome en suivant un curriculum bien précis. Le premier jeu en développement grâce à cet accord permettra donc d'apprendre seul de façon interactive et dynamique. Il est en développement chez Aspyr Studios et des versions DS, PC et Mac sont prévues. Plus de détails plus tard cette année. Electronic Arts a annoncé son intention de lancer The SimCity Box en juin en Amérique du Nord. Ça va inclure les 5 jeux de la franchise de SimCity, soit SimCity Societies, SimCity Societies Destinations, SimCity 4, SimCity 4 Rush Hour et The Sims Carnival Snap City. Ça va être environ 40$ pour ça et ça va être une bonne offre pour les joueurs qui désirent se familiariser ou redécouvrir la populaire série SimCity qui s'est écoulée à plus de 17 millions de copies depuis sa création en 89. Et dernière petite nouvelle rapide, à en croire le site de Rooly Web, le premier Paper Mario pourrait être en cours d'adaptation sur DS. Donc le jeu sur Nintendo 64, toujours disponible sur la console virtuelle de la Wii, pourrait sortir sur la DS à nouveau Paper Mario 64. Donc fait le tour pour le blog bientôt sur vos écrans. Voici les jeux les plus populaires sur OneUp.com en ce moment, les jeux les plus recherchés, les jeux les plus aimés. En troisième, c'est Okami sur la Wii. En deuxième, GTA 4 sur la PS3. Et en première place, c'est Grand Theft Auto 4 sur la 360. Donc les deux, le même jeu sur PS3 et 360 dans les deux premières positions. Voilà donc pour le blog bientôt sur vos écrans. Je me répète un peu, mais que voulez-vous? Je vais vous laisser aller lire sur le site de l'émission leunechance.com quelques affaires que j'ai postées qu'on n'aura pas le temps de faire. Et finalement, ça arrive à chaque semaine qu'on manque de temps pour tout dire. J'ai posté quelques jeux pour le bureau. Le plus intéressant, selon moi, c'est The World's Hardest Game. Vous vous rappelez, la semaine passée, si vous étiez là, on parlait du jeu le plus facile au monde qui s'appelait littéralement Burn the Rope. Brûler la corde. C'était ça le nom du jeu. C'était un tableau où il fallait brûler une corde puis faire mourir un boss. celui-là, c'est le jeu le plus difficile au monde. Sérieusement, vous êtes, vous jouez le rôle d'une petite balle. Il y a plein de balles de différentes couleurs, mais bon, vous êtes une petite balle. Vous devez contrôler d'autres balles qui tournent en rond. Et je me suis rendu au niveau 8. Le 8, je suis pas capable de le faire. C'est juste vraiment dur. Allez-y, vraiment, allez l'essayer. C'est The World's Hardest Game. Ça vaut la peine. C'est comme on dirait, comme les Québécois diraient, c'est un challenge. C'est un gros défi. J'ai bien aimé The World's Hardest Game. Il y a aussi Pac-Man DX sur Mac, qui est un remake de Pac-Man vraiment joli et très, très Mac. Allez voir ça, c'est seulement si vous avez un Mac. Quelques gadgets que j'ai postés, des hubs de USB, des séparateurs USB en forme de souris. Il y a aussi le Eneplug qui vous permet de recharger vos gadgets USB par une prise de courant de la façon la plus simple au monde. Il y a un duplicateur de CD et de DVD qui est vraiment génial. Et puis une façon de mettre votre chat sur votre bureau sans qu'il prenne de place. Avec un genre de petit divan sur le coin de votre bureau qui va jusque dans les airs à l'extérieur de votre bureau. C'est très, très joli. Genre que ça repose pas complètement sur votre bureau. Très, très drôle. Et puis ça, c'est pour les gadgets de cette semaine. Allez voir la vidéo. Tu sais, on parlait de choses qui se passent autour du net, là, dans les deux dernières minutes qui nous restent. Une vidéo interne de Microsoft, une chanson country. Je sais pas si on a été chercher des figurants, des acteurs payés à 10$ de l'heure, mais en tout cas, c'est vraiment mauvais. C'est une vidéo de promotion pour Windows Vista SP1. Ça vaut vraiment la peine. T'sais. Je mets le soulignement sur le fait que ça vaut vraiment la peine. Tetris The Movie, bande-annonce. Allez voir ça, on n'a pas besoin d'en parler plus que ça. Une vidéo de parodie qui montre un gars en train de découvrir des photos de la copine de son meilleur ami sur son ordinateur. Et qu'est-ce qui se passe à la fin est un grand choc pour tout le monde. Ni Naked Pictures of Your Buddy's Girlfriend sur lunchance.com. Sérieusement, un de mes vidéos préférées cette semaine. Un guide, comment prendre soin de vos chats par des ingénieurs, par des programmeurs, des ingénieurs. Très, très drôle. Sur un Mac, on a pris des photos de différents dossiers. Bon, vous savez, des dossiers sur votre bureau, il y en a beaucoup des fois. Les fichiers, les dossiers, on les a placés de certaines façons pour faire des formes. Un dinosaure, un requin, le jeu Space Invaders, un squelette. Et là, on montre un zoom pour vous montrer que c'est vraiment des dossiers. C'est fascinant, ça s'appelle « Cluttered Desktop Folders Become Art ». Des t-shirts « I Spoil Your Movie ». C'est des t-shirts avec des fins de films révélées dessus. Tu sais, genre « C'était la Terre depuis le début » ou encore « Est le père de Luke » ou bien « Rosebud était le nom de son célèbre » ou des choses comme ça dans différents films. Très, très drôle. Le Apple Eye, qui est une parodie des nouveaux produits d'Apple. En tout cas, c'est juste une grosse boule. Belle à voir. C'est simplement ça. Et puis, vous avez peut-être raté ça cette semaine. Je dois en parler rapidement. Kobe Bryant, qui saute par-dessus une voiture. Allez voir ça. C'est sur lunchance.com. Tout est là. C'est le meilleur site pour passer un très, très bel après-midi. Malheureusement, c'est la fin de la connexion pour cette semaine. Les choses passent tellement vite en 2 heures. Moi, je vous retrouve au poste d'écoute. L'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. C'est un concept absolument génial. Ça va faire 200 fois qu'on le fait cette semaine, vendredi matin à 10h. Je suis aussi au Palmarès C'est Fou, le condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Ça, c'est vendredi soir à partir de 17h. Et la connexion est en direct toujours les jeudis à 11h. On rappelle les mardis à 9h. Ça va être la dernière dans cette case horaire-là. La semaine prochaine, on vous parlera des changements de case horaire dans la prochaine émission de la collection. Et je vous retrouve aussi au spécial. Oh, le spécial avant d'aller jouer dehors. Ça, c'est mercredi prochain, de 13h à 18h. Soyez-y. C'est le 23 avril. Bonne semaine. Bonne chance. Bye bye. Dash.com.